L'autographe par Paul de Poncevray. La nouvelle du mariage de mon Javoux, ce fut un étonnement assaisonné d'ironie dans le tout Paris littéraire et mondain. Non pas que le fiancé ne fût en condition de faire un mari très enviable, bien au contraire. Écrivain célèbre, conférencier très écouté, bel homme et de maturité très saine, possesseur d'une assez rondelette fortune, sans cesse accru par ses considérables droits d'auteur, caractère franc, compagnon loyal et gai, il aurait pu, sans grand risque, aspirer à des partis élevés et brillants. Mais il avait en mille occasions professé des doctrines antimatrimoniales et démontré que pour l'homme de mentalité créatrice, le mariage avec ses servitudes équivaut au suicide intellectuel. Voilà qu'il se mariait et aggravait son cas en épousant une petite bourgeoise. Famille obscure, situation modeste, un par exemple très jeune et très joli. Était-ce une excuse? Les malicieux déjà disaient « c'est un danger ». Et les envieuses, les dédaignées, autant dire presque toutes les femmes d'un certain monde, entre 20 et 40 ans, déclaraient « c'est la fin de son talent, c'est le commencement du gâtisme ». Mon Javoux devait prouver bientôt que c'était un renouvellement de son aspiration et prouver que c'était le commencement du vrai bonheur. Dans la conjecture, un détail minime intrigua toute une semaine les désœuvrés du monde et les échoteurs des feuilles boulevardières. Le jour du mariage, il envoya 100 francs de gratification à chacun des garçons de service de l'hôtel de ville préposés à la section du vestiaire où il avait déposé son pardessus le soir du 27 octobre 1900. C'est à eux, en effet, que mon Javoux faisait remonter la cause initiale de sa félicité, et tout inconscient qu'ils fussent de leur part dans sa destinée, il ne voulut pas moins les récompenser. Ce soir-là, pour clore, par anticipation, l'exposition universelle, la municipalité de Paris offrait dans les salons de l'hôtel de ville une fête magnifique. Mon Javoux, friand de tout ce qui a cachet d'exception, de tout ce qui avise les sens, fournit matière à observation et fouette l'imagination, luxe décoratif, lumière et musique, visage et toilette de femme, foule mouvante, mon Javoux se rendit au palais municipal. Bien qu'il fût arrivé de bonne heure, déjà regorgeait de spectateurs la salle des fêtes où se donnait un concert français et la salle des prévôts où se jouaient des pièces japonaises avec la célèbre Sada Yako. Dans le salon des arcades, le bal commençait. Mais mon Javoux ne se sentait pas en goût de danser dans un bal quasi public, redescendit et vainement tenta, 3/4 d'heure durant, de recouvrer son pardessus. D'attente là, il prit son parti, remonta au salon des arcades, inspecta curieusement les 200 danseuses au repos sur leur siège à ce moment, et désappointé de n'en découvrir aucune qui lui plût, maussade, il s'en allait de nouveau, quand, près d'une issue communiquant à la grande galerie, il découvrit le charmant visage d'une rieuse jeune fille. Il fut frappé de la physionomie de l'inconnue. Un air d'ingénuité s'y accommodait avec une finesse spirituelle. Le regard de beaux yeux bruns, juste assez grand pour n'être pas trop grand, brillait candide et franc. Le passage très gradué de la blancheur mate du front au tendre incarnat des joues évoqua dans les mémoires de l'écrivain, qui en sourit, l'image surannée d'un teint pétri de lys et de rose. Une abondante chevelure d'un châtain clair à reflets dorés s'amassait avec un art d'une exquise simplicité sur le sommet de la tête. Cette coiffure, sans prétention, à coup sûr l'œuvre des mains adroites de la jeune personne, dégageait les tempes et la nuque. Elle donnait en même temps de la légèreté à la figure d'un ovale un peu court et de la sveltesse au cou que l'on ne pouvait dire de marbre à cause de sa souplesse. Un danseur vint inviter la jeune fille. Elle se leva, abandonna sa taille au bras de son cavalier et s'éloigna en polkant. Mon Javoux observa qu'en elle la nature avait excellemment réalisé la loi des proportions définies. Elle était, selon la locution vulgaire, bien faite. La foule des couples sautillants devenait cohue. Elle obligea l'inconnu à ramasser dans une main et à relever un peu les plis de ses jupes. Et ce faisant, il découvrit un petit pied de forme exquise, à peine dissimulé dans le soulier de bal. Une robe très simple, pas même robe de bal, manches longues et corsage montant. Pour tout ornement, une application de guipure formant collerette sur l'étoffe de nuances vieux rose, pas un bijou. Derrière la chaise quittée par la jeune fille et la défendant contre toute usurpation, un couple grisonnant, le visage épanoui en un sourire un peu niais, bonne figure mais commune, petites gens assurément éblouis des splendeurs de la fête, hantés apparemment du souci de se bien tenir et de ne paraître point trop gauche, ce qui leur imprimait un air emprunté. « Bon, la parenté !» murmura Montjavoux. Et d'instinct, par horreur de la vulgarité, il s'écarta, pivota sur les talons, il allait fuir. À l'instant, la polka finissait. Le cavalier ramenait la danseuse à sa place. Excité par le plaisir de la danse, par la griserie momentanée de la musique, de la lumière, de l'atmosphère chaude, irritante, elle portait en toute sa personne un si vivant attrait d'amour et de beauté que la dédaigneuse réflexion de l'aristocrate écrivain fut mise en déroute. La tentation fut trop forte. À peine se fut-elle assise, il se planta devant elle, la salua cérémonieusement et sollicita la prochaine valse. Elle consulta son carnet de bal. « La prochaine, non, elle est promise. La suivante, voulez-vous ? » « Assurément, très reconnaissant. » Elle lui tendit le carnet, il inscrivit posément son nom glorieux et attendit les faits. Elle épela sans émoi ni surprise. « Mon, j'avoue, c'est bien cela. »« C'est bien cela, » dit-il avec une impassibilité qu'il voulut rendre légèrement ironique. « J'aurais inscrit bouchon ou cheval, l'impression eût été la même. » pensa l'auteur, un peu morfondu de secrets de femme. « À votre tour, mademoiselle, voulez-vous bien noter sur mon carnet ?» D'un trait rapide, elle contourna une espèce d'hiéroglyphe sur le vélin. « Ah, la finode, elle n'a pas livré son nom, un simple monogramme. » Il était trop tard déjà pour lui réclamer une inscription plus explicite. Un danseur l'entraînait dans un quadrille. Un peu plus tard, Montjavoux, en la faisant valser, lui dit « Savez-vous que si je vous avais perdu de vue, votre inscription sur mon carnet ne m'eût pas beaucoup servi à vous retrouver, un simple monogramme ?»« Bon, » fit-elle en riant, « vous avez bien remarqué ma place sur le lustre, au fond, près de la porte. En effet, c'est topique, mais un peu vague comme signe d'identité. Qu'est-ce que ça fait ? Ici, on ne se connaît pas, on ne fait pas de présentation, on inscrit sur les carnets les noms qu'on veut. » « C'est bien le mien, je vous assure, que j'ai marqué. Ça n'a pas d'importance. Nous dansons pour le plaisir de la danse, et non pour faire connaissance. Alors, à votre compte, comme on ne peut pas danser tout seul, une automate fera le même service, » conclut-elle en égrenant un petit rire très gai. « Qu'il en soit ainsi de moi pour vous, c'est possible. Et j'en suis tout mari, mais la réciproque n'est pas vraie. Vous voulez que je sois une personne et savoir laquelle ? Que vous êtes curieux ? Eh oui. » Et comme la personne est charmante et qu'elle valse à ravir, vous trouvez. Je souhaite fort déchiffrer le monogramme. M.L. Oh, j'ai discerné deux lettres. Mais ce qu'elles signifient, cherchez. M, le prénom, pas impossible à découvrir. Marie ? Non. Madeleine ? Non, ni Marguerite ni Marthe. Je vous déblaie la nomenclature. Pour abréger ? Pour abréger, c'est de la bonté. « Je vous en sais gré. Marcel ?»« Non. Vous ne devinez pas. Ce n'est pas Mathilde ni Malvina. Ne vous creusez pas. À ce petit jeu de devinettes, vous ne gagnerez rien. » Si fait, de rendre plus précis le souvenir. « En l'affectant d'une étiquette. » Elle mettait dans ses réponses railleuses une bonne humeur toute de primesaut. Montjavoux en était délicieusement amusé. Soudain, il s'écria à mi-voix. « Monique. »« Pan !»« Une dragée au monsieur, il a gagné. » Un franc rire espiègle ponctua sa plaisante exclamation. « C'est vrai, c'est votre prénom ?»« Très vraiment. Vous ne le trouvez pas joli ?»« En vous, tout est joli. »« Je vous préviens. J'ai réappris tout récemment le renard et le corbeau. »« Vite, la valse va finir. Voyons ce qui se cache sous elle. »« Le nom de famille, vous y tenez, et l'adresse aussi. »« Mon Dieu, pourquoi pas ?»« Eh bien, rien de plus simple. » Ce monsieur assis derrière ma chaise, avec un air de douce résignation, qui s'ennuie et voudrait bien aller se coucher, demandez-le-lui, c'est papa. » Elle crut l'avoir fait kino et le regarda au coin de l'œil avec un petit air narquois. « Soit, mais mademoiselle, accordez-moi une valse encore. »« Je veux bien, la prochaine. » »« Dans l'intervalle, je ferai connaissance avec monsieur votre père. » Mais soudain, une révolution renversa les idées de Montjavoux. Il venait de se voir dans une glace. Un poil blanc se redressait parmi sa moustache brune. Le défraîchissement de son visage lui apparut dans l'éclatante profusion de la lumière électrique. « Suis-je fou ? » murmura-t-il. « Elle n'a pas 20 ans. cette petite, j'en ai 40. Sa jeunesse est pétulante et son esprit tout en fusée spontanée. J'en suis à penser par réflexion et à ménager mes effets, et je me laisse surprendre comme un conscrit. Ce qui peut me valoir un peu de prestige auprès d'une femme est en quelque sorte extérieur à moi-même, détaché de moi, ce n'est plus ma personne, c'est ma renommée. La renommée, c'est le fruit du passé, et même elle l'ignore. Mon j'avoue, ne regarde plus les jeunes filles et va te coucher. Cette fois, ce ne fut pas une fausse sortie. Sous la voûte, tandis qu'il attendait sa voiture, un de ses amis, conseiller municipal, lui saisit le bras. « Eh, mes gaillards, tu danses, toi, à la bonne heure. C'est plaisir de t'inviter au bal. »« C'est vrai, j'ai tourné une valse. » »« Avec une des plus charmantes danseuses, Mademoiselle Laronce. »« C'est son nom, tu la connais ?»« Monique Laronce, fille d'un de mes électeurs, très intelligente, d'humeur très gaie, très sérieuse de caractère, une fille de tête qui a des principes. » Des principes de quoi ? De vertu, oui, mon cher, de vertu. Il y a 10 ans que je la connais. Le père dirigeait une petite usine, il est retiré, quelques milliers de francs de rente, brave gens, modeste, mais du bon sens et du bon cœur. Ne rêve pas de la jolie Monique. Ça n'est plus de notre âge, soupira mon j'avoue. Il en rêva, tout éveillé, s'applaudissant, se blâmant alternativement, d'avoir déserté le bal et abandonné la valse demandée et promise. « Bon, un danseur remplace l'autre. Elle ne sait seulement pas ce que je suis. » Pourtant, il lui vint cette idée, issue de la vanité et qui adoucit l'amertume de ses regrets. « Mon nom reste sur son carnet. Elle le reverra. » Une jeune fille garde ses carnets de bal et de temps en temps les regarde. Un jour, forcément, elle saura que son valseur de ce soir n'était pas le premier venu. Et il savoura quelques minutes la jouissance subtile de penser que son souvenir un moment occuperait l'esprit de la jeune fille. Prévision qui devait ne pas tarder à se réaliser. 3 ou 4 jours après paraissait un nouveau livre de Mon j'avoue. Aux vitrines des libraires s'en étalait l'affiche. Ce nom de Mon j'avoue, qui ne l'eût pas antérieurement frappé, Mademoiselle Laronce le remarqua. Pas un instant elle ne douta que l'auteur et son valseur ne fissent qu'un seul et même personnage. Elle acheta le volume, le lut, en fut charmée et touchée, se procura les autres ouvrages de l'écrivain et communia de sa pensée. En même temps, l'image de l'homme se représentait dans sa mémoire et le souvenir des propos qu'il lui avait tenus. La cristallisation s'opérait, elle s'éprenait progressivement, avait d'autant plus de mégarde qu'elle se croyait plus protégée contre tout retour du vainqueur ignorant sa victoire. « Se souvient-il de moi seulement ? » murmura-t-elle avec mélancolie. Il s'est distrait 10 minutes à prendre une observation sur une petite fille bien insignifiante. Il la jugeait même tellement insignifiante qu'il lui a brûlé la politesse et n'a pas réclamé la seconde valse. Elle apprit par un journal que Mon j'avoue allait donner 3 conférences d'entre 4 et 5 heures dans un petit théâtre mondain. Elle décida sa mère à l'y conduire et Mon j'avoue la reconnut au 2e rang des fauteuils d'orchestre. Elle dénicha son adresse dans un annuaire et après chaque séance, lui envoya une critique anonyme de ses thèses. Elle y décelait une vive compréhension des idées et une ardente sympathie pour les théories du penseur. Mon j'avoue devina tout de suite d'où lui venaient ces pages. Monique, enfin, entraînée par une passion grandissante qui eût pu la perdre si celui à qui elle s'affrontait n'eût été un honnête homme, s'avisa de lui faire une visite. Il fallait un prétexte. Elle en trouva un fort plausible. Elle irait solliciter un autographe. Les personnages célèbres ne sont-ils pas accoutumés à des démarches de ce genre, toujours bien accueillis parce qu'elles flattent leur amour-propre, chatouillent leur vanité ? « Je ne cours aucun risque, se dit-elle, il ne me reconnaîtra pas. » Elle s'en fut vers lui, accompagnée de l'unique servante à qui elle fit croire qu'elle allait consulter un médecin. Elle ne croyait pas qu'il connût son nom. Mon j'avoue feignit d'abord de ne la reconnaître point. « Un autographe, madame ? Comment vous refusez si peu de choses, si ce n'est en alléguant précisément que c'est trop peu de choses, ma célébrité n'étant ni bien ancienne, ni bien répandue ? J'y tiens beaucoup. Veuillez donc me présenter votre album. » L'album ? Elle n'y avait pas songé. Les collectionneurs d'autographes ont un album. Cet oubli la trahissait. Elle se troubla, s'intimida, rougit, balbutia. Une petite larme pointa au bord de sa paupière. « Qu'à cela ne tienne, vous aurez votre autographe, » dit Mon j'avoue, attirant une des grandes feuilles de ce papier vert pâle, spécialement usité pour ses manuscrits. Il affectait le calme et une bienveillance quasi paternelle, et au fond, une vive émotion assez semblable à une inquiétude précipitait les battements de son cœur. « Que préférez-vous que j'écrive ? Mais je ne sais ce que vous voudrez. Une sentence philosophique, une romance sentimentale, prose ou vers. N'importe, mais surtout quelque chose de sincère. Allons, une strophe. » Et d'un jet, il griffonna. Vous valsez à ravir, et la grâce touchante de votre souvenir me surprend et m'enchante. Comment donc oublier le charme et la beauté de l'exquise Monique, et votre stratagème me prouve que pourtant vous en avez douté. Et pour vous en punir, sachez-le, je vous aime. » Il lui tendit la feuille. Elle n'eut pas plutôt lu qu'elle pâlit, poussa un petit cri et s'évanouit. Monjavoue faillit perdre la tête. Une souffrance inéprouvée l'étreignit à l'idée qu'elle pouvait mourir là, dans son cabinet, et perdre avec la vie la réputation. Heureusement, elle sortit de cette syncope et ressaisit ses esprits. Seulement alors elle comprit elle aussi l'imprudence de sa démarche. « Ah, grand Dieu, maintenant qu'allez-vous penser de moi ? » gémit-elle. « Qu'il faut que je vous épouse si vous y consentez. »« Puisque, dites-vous, il le faut, » murmura-t-elle en souriant. « Rentrez bien vite chez vos parents, mademoiselle ma femme, bien vite, sinon j'aurai déjà demandé votre main quand vous arriverez. » Accompagné de son ami, le conseiller municipal du quartier, grand ami de M. Laronce, il alla le jour même demander Monique en mariage. Elle lui fut accordée. Le seul point sur lequel Monique et Monjavoue ne sont pas d'accord, c'est de savoir lequel des deux a conquis l'autre. Ainsi s'achève l'autographe de Paul de Poncevray.